listening to Overdrive on Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. C'était bien entendu Iron Maiden et c'est Real Live One pour ce morceau The Evil That Men Do. Bien entendu, le groupe anglais est actuellement sur sa tournée un petit peu anniversaire, la tournée des 12 premières années du groupe et ils auront un passage remarqué du côté de Paris et ce sera le 19 et 20 juillet prochain. Donc restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair. On aura de l'excellente musique ce soir avec, pour commencer, Volbeat avec son dernier album God of Angels Trust, toujours emmené par ce fan d'Elvis et de James Hetfield qu'est Michael Poulsen. Ce sera By a Monster's Hand tout de suite, et vous êtes toujours à l'écoute, encore une fois, d'Overdrive. Yes, Volbeat tout de suite, By a Monster's Hand, avec son dernier album en date. On continue maintenant, sorti sur le label Frontiers Records. Il s'agira du tour de Niklas Sonner, qui nous sort cet album Electric Dreams. Ce multi-instrumentiste danois a joué de nombreux instruments ici, et il nous offre du bon vieux heavy metal, hard rock, mélodique. On s'en va ça tout de suite avec le morceau qui ouvre ce disque, Electric Dreams. Ce sera Fireline. Tout de suite. Yes, Niklas Solnig avec ce morceau Fireline, extrait de cet album Electric Dreams. Vous écoutez toujours Overdrive. Il est maintenant 22h à moins 5. La semaine dernière, il s'agissait du Hellfest, une édition encore une fois remarquée avec un public conséquent, même si la diversité du festival peut faire grincer des dents les plus puristes d'entre nous. Pour l'heure, on va diffuser un extrait, non pas du Hellfest 2025, mais 2024, avec l'album Live de Saxon, qui vient de voir le jour, qui s'appelle Live at Hellfest, un concert vraiment très très remarqué de l'émission 2024. Les papis, emmenés par Biff Bifford, ont fait une prestation qui a mis tout le monde d'accord, et ce sera le gros classique, classique parmi les classiques du groupe Princess of the Night, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Okay, help us! Thank you very much, you've been fantastic tonight! This is called Princess of the Night! Gonna sing it with me! She used to be an iron horse 20 years ago, used to bring the mail to me through the ice and snow. I sat alone and watched her singing through the night, 90 tons of thunder lighting up the sky. You are the princess of the night. Act like now, been working hard, Vous venez d'entendre Iron Savior tout de suite sur le 895 de Radio Duo pour les amateurs de métal allemand. C'était Walls of Fire tout de suite sur Overdrive. On va maintenant changer de style, partir vers une tendance beaucoup plus orientée blues rock avec le super groupe The Dead Daisies qui nous revient toujours aussi bien sûr prolifique. Ils sortent de nombreux albums, tournent beaucoup et là ils ont décidé de se faire plaisir en enregistrant des standards de blues, extraits de cet album Looking for Trouble. Ce sera le morceau qui s'appelle Going Down tout de suite sur Overdrive. Daisies avec Going Down, extrait de cet album Looking for Trouble, extrait d'une compilation de standards de blues, bien entendu interprété par The Dead Daisies. On va quitter la chaleur du blues américain maintenant pour rejoindre plutôt les mélodies froides de la Suède avec Catatonia et son dernier album qui vient de voir le jour, Nightmares as Extensions of the Waking State. Donc le groupe suédois on pourrait qualifier ça de spleen metal fait le deuil du départ de son guitariste cofondateur Anders Nyström, donc derrière la baraque depuis, au bas mot, le milieu des années, début des années 90 même, et ce qui donne que le chanteur Jonas Rinske est, on va dire, dernier membre originel, nouvelle section rythmique depuis maintenant une dizaine d'années, et bah, le groupe garde néanmoins son style et nous propose un nouveau chapitre ici qu'on va s'écouter tout de suite avec le morceau qui s'appelle Temporal. Il est 22h passé de 12 minutes sur le 895 de Duo. Yes, C'était Catatonia avec son dernier album en date, Nightmares as Extinction of the Dying Wish, tout de suite, et The Waking State, pardon. Et on continue maintenant avec un dernier extrait du nouvel album solo de Patrick Ronda, ça s'appelle Back on Track. Le guitariste français que vous avez connu pour sa reprise des 4 saisons de Vivaldi avec Jean-Michel Jarre dans le milieu des années 90, et bien entendu un guitar héros, l'un des plus grands guitar héros français de sa génération, qui a notamment participé au G3 en compagnie de Steve Vai et de Satriani, nous revient ici avec un nouvel album, ça s'appelle Escape from Shadows, le premier album solo en 21 ans, et ce sera un morceau pour se remettre un peu en jambes qui s'appellera Back on Track, tout de suite sur Overdrive, bien sûr. Et après Patrick Ronda, ce sera au tour du groupe Sidereals qui nous sort ce 5 titres sur MNO Music. Ça s'appelle Cyan Heart. On est sur du downtune avec une petite influence djent pour ce groupe français qui mène à la fois des influences un petit peu modernes comme le djent et également ce qu'on appelait plutôt du new metal dans les années 90. C'est super bien produit. Il y a ici un très très gros son et on s'envoie tout de suite le morceau qui s'appelle Seasons, extrait de Cyan Heart. We'll be right back. Running in a Place, extrait du dernier album de ce groupe A to Z, qui est rien d'autre qu'un spin-off de Redemption et de Fate's Warning, puisqu'on y retrouve ici l'excellent chanteur Ray Alder pour du metal progressif américain, proche de groupes comme bien entendu, Fate's Warning, pour ne pas les citer. Running in Place, il est 10h30 sur le 895 de Radio Duo, et on part des États-Unis pour rejoindre maintenant l'Allemagne et le thrash allemand plus précisément, avec Sodom qui nous revient avec un excellent nouvel album. Ils sont revenus à la formule du quatuor, donc deux guitares, toujours emmenées par Tom Angel Reaper. Ce sera extrait de ce dernier album The Arsonist, qui vient de voir le jour sur le label SPV Records. Ce sera le morceau Battle of Harvest Moon. We'll be right back. est-ce vraiment excellent que ce Sodom tout de suite avec ce Battle of Harvest Moon, extrait de son dernier album The Arsonist. Et on va passer maintenant du thrash metal au death metal. Il n'y a qu'un pas ici avec Silent Echoes, le dernier album de Gruesome. Gruesome, c'est un groupe presque hommage au death de la partie de la période Leprosy. Tout de suite, ce sont de très très gros fans de Chuck Schuldiner ici. Et donc Silent Echoes, paru sur Relapse Records, ce sera le morceau Frailty, toujours sur Overdrive, un bon vieux def à l'ancienne. Into the past. This can all end. Don't. Vader tout de suite avec Human Ility sur Overdrive et ce trois titres et le morceau Genocide Designed, toujours du death metal, cette fois avec les vétérans polonais de Vader. Metal classique avec Vader Genocide Designed. Vous écoutez toujours Overdrive. Il est maintenant 23h, quasiment 23h moins quart. Fallujah maintenant qui nous revient avec du death metal progressif. Xenotaph paru sur Nuclear Blast. Fallujah qui nous s'inspire de nombreux groupes qui ont marqué l'histoire du death metal progressif. On pense notamment à Cynic qui, avec son album Focus dans les années 90, avait posé les bases de pas mal de choses qui allaient être exploitées dans les années 2000. Et on s'en voit tout de suite le morceau Kaleidoscopic Waves pour un excellent album. Les critiques sont plutôt très bonnes autour de Fallujah. We'll be right back. Enchaîne maintenant avec Creeping Fear et ce Demonic Ascent tout de suite sur Overdrive. Yes, vous venez d'entendre Transcendence maintenant avec ce Take Control pour revenir sur des terres heavy metal. On continue et on termine maintenant Overdrive. On va se dire au revoir ici au son de California Irish. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du nouveau projet du chanteur de The Answer avec ce Julie Han tout de suite qu'on va très bientôt démarrer. Donc dans Overdrive, on aura eu de l'excellente musique ce soir. On se dit à la même heure, même fréquence sur le 895 de Dio semaine prochaine pour encore une fois démarrer 90 minutes de musique qui pulse. Et on se quittera au son donc Julie Ann par California Irish, le nouveau groupe du chanteur de The Answer. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également facebook.com/overdrive-radiodio et également les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. Voilà, il est temps de rendre l'antenne. Merci, ciao, bye bye.